30 mai. Hélas, je ne devais plus la revoir qu'endormie. C'est ce matin, au lever du jour, qu'elle est morte, après une nuit de délire et d'accablement. Jacques, que sur la demande dernière de Gertrude, Mademoiselle Louise avait prévenu par dépêche, est arrivé, quelques heures après la fin. Il m'a cruellement reproché de n'avoir pas fait appeler un prêtre, tandis qu'il était temps encore. Mais comment lui sais-je fait, ignorant encore que pendant son séjour à Lausanne, pressé par lui évidemment, Gertrude avait abjuré. Il m'annonça du même coup sa propre conversion et celle de Gertrude. Ainsi me quittaient à la fois ces deux êtres. Il semblait que, séparés par moi durant la vie, ils eussent projeté de me fuir et tous deux de s'unir en Dieu. Mais je me persuade que dans la conversion de Jacques entre plus de raisonnement que d'amour. Mon père, m'a-t-il dit, il ne sait pas que je vous accuse, mais c'est l'exemple de votre erreur qui m'a guidé. Après que Jacques fut reparti, je me suis agenouillé près d'Amélie, lui demandant de prier pour moi, car j'avais besoin d'aide. Elle a simplement récité « Notre Père », mais en mettant entre les versets de longs silences qu'emplissait notre imploration. J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon cœur plus aride que le désert.